الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture du livre قصص الأنبياء du Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. La semaine dernière, on avait commencé à lire les morales que l'on retenait et qui sont à retenir de l'histoire de Moussa et de Haroun alayhim assalam. On s'est arrêté à la page 86 du livre. قال المؤلف رحمه الله ومنها أن فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه. Donc un cheikh Saadi rahimahullah continue à énumérer les morales que l'on retient de l'histoire de Moussa et de Haroun alayhim assalam. Il dit rahimahullah, et il y a dans l'histoire de Moussa une interpellation sur le fait que celui qui étudie la science, que celui qui étudie la science lorsqu'il a besoin de mettre en pratique cette science ou d'expliquer cette science, et que deux avis sont face à lui sans pouvoir décider lequel des deux avis est le plus juste. Eh bien, il doit demander à son Seigneur de le guider. Il demande la guider à son Seigneur et lui demande de le guider vers la vérité présente dans l'un de ces deux avis. Après, bien sûr, avoir recherché la vérité par son cœur, et car Allah Azza wa Jal ne délaisse pas celui qui est ainsi, comme cela est arrivé à Moussa alayhi salam lorsqu'il s'est dirigé en direction de Madian. On a vu que Moussa alayhi salam, dans la faïda juste avant, par laquelle on avait arrêté le cours de la semaine dernière, et que lorsque l'on est entre deux maux, on choisit le moins pire, et que Moussa alayhi salam était entre rester en Égypte et se faire tuer, ou se rendre à Madian, qui était un pays lointain, et dont Moussa alayhi salam ne connaissait pas là le chemin, la direction. Et Moussa alayhi salam a choisi de partir à Madian. Et la faïda qui suit, c'est justement celle que, par laquelle on a commencé aujourd'hui, et que Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est dirigé vers Madian, il ne connaissait pas de chemin pour s'y rendre. Et il a dit « Asa Rabbi an yahdiyani sawa al-sabil » « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et Allah Azza wa Jal l'a guidé et lui a accordé ce qu'il a demandé, ce qu'il a souhaité. Donc Moussa alayhi salam ne savait pas quel chemin prendre. Et pour cela que Cheikh Saadi dit, il y a ici une interpellation, subtile, que celui qui recherche la science et qui est confronté à deux avis dont il ne sait pas lequel est le plus proche ou lequel est la vérité, qu'il demande à Allah de le guider. ومنها أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لم يعرفه من أخلاق الأنبياء وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية وخصوصا إعانة العاجز كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الرعاة. Il dit, rahimahullah, parmi les morales à retenir de cette histoire est que la miséricorde et la bienfaisance que le musulman doit faire preuve envers les créatures, que cela bénéficie à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. Et que cela fait partie du comportement des prophètes. Et parmi les formes de bienfaisance, le fait d'aider à abreuver les troupeaux. Et de façon plus particulière, d'aider celui qui en est incapable. Aider celui qui est incapable d'abreuver son troupeau à abreuver son troupeau. Comme l'a fait Moussa avec les deux filles de cet habitant de Madian, lorsque Moussa alayhi salam a abreuvé leur troupeau, lorsqu'il a vu que ces deux femmes avaient l'incapacité d'abreuver leur troupeau avant le départ des bergers. Car il y avait déjà des bergers qui donnaient à boire à leur troupeau. Et ces deux femmes se sont mises à l'écart en attendant que les bergers finissent d'abreuver leur troupeau. Et cela prouve que les femmes, même bien avant l'islam, faisaient preuve de pudeur et ne se mélangeaient pas aux hommes. ومنها أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه كما قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عبد. Parmi les morales qu'on retient également est que de la même façon qu'il est recommandé à celui qui invoque Allah Azza wa Jal d'invoquer Allah Azza wa Jal à travers en s'aidant de ses noms et attributs. En s'aidant de ses noms et attributs, et en admettant les bienfaits d'Allah généraux et particuliers. De la même façon, il est recommandé, lorsque l'on invoque Allah Azza wa Jal, de l'invoquer en prenant comme en s'aidant de sa faiblesse et de sa pauvreté, et de son incapacité à obtenir un bien ou à être épargné d'un mal. Comme l'a dit Moussa alayhi salam, dans Surat al-Qasas, le verset 24, « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Car le serviteur, lorsqu'il fait cela, montre son humilité et son besoin à Allah subhanahu wa ta'ala, humilité et besoin qui est la réalité de chaque serviteur. Tout le monde se doit d'être humble et de faire savoir son besoin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ? ومنها أن الحياة والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. Également, on retient de cette histoire que le retour d'une bienfaisance n'a cessé d'être le comportement des communautés vertueuses. Le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'une bienfaisance. Le fait de rendre la monnaie à celui qui t'a fait un bien. Car l'habitant de Madian, cet homme, le père de ses deux filles, a voulu récompenser Moussa alayhi salam de l'aide qu'il a apportée à ses filles. ومنها أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصد فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له عن على معاوضة. Également, on retient que le serviteur, lorsqu'il fait un acte pour Allah Azza wa Jal, purement sincère, puis qu'après avoir fait cet acte, eh bien, il bénéficie d'une rétribution, on peut dire ça, d'une rétribution, sans qu'il n'ait eu l'intention de l'obtenir. Et bien que l'on ne peut faire de reproche à cette personne, de même que l'on ne peut remettre en cause sa sincérité et la récompense qui découle de cet acte qu'il a fait pour Allah Azza wa Jal. Car Moussa alayhi salam a accepté le mukafa'a, a accepté la récompense de cet habitant de Madian suite au bien que Moussa alayhi salam lui a apporté, sans que Moussa ne les demander et sans qu'il ne l'ait jamais prétendu. Al-Mukafa'a, c'est une compensation. Al-Mukafa'a, c'est une compensation. ومنها جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى وأن مرد ذلك إلى العرف وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع كما قال صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. Également, ce que nous retient de cette histoire est l'autorisation de faire travailler une personne, de la faire travailler en lui confiant une tâche connue qui a un intérêt précis et connu pendant une durée déterminée. Et que cela revient aux us et aux coutumes. Et qu'il est autorisé de faire travailler la personne et de lui donner en salaire et que le salaire soit un mariage. Comme l'a dit Sahib Madian, l'habitant de Madian, le père de ses deux filles, je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici. Donc ici, Alain Tajurani Thamania Hijaj. Donc ici, le père de ses deux filles a proposé à Moussa alayhi salam de travailler 8 ans à son service et que, en guise de salaire, il le marierait à l'une de ses deux filles. Donc il est autorisé de faire travailler quelqu'un, condition que le travail soit connu, que l'intérêt soit connu et que la durée soit connue également. Et il est autorisé que le salaire soit un mariage. وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته ونحوها ممن هو ولي عليها ولا نقص في ذلك بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى. On retient également qu'il est autorisé à une personne de proposer sa fille ou une femme qu'il a sous la tutelle de la proposer en mariage à un homme, et qu'il n'y a aucun défaut dans cela, cela peut être même bénéfique, comme l'a fait l'habitant de Madian avec Moussa, lorsqu'il a proposé à Moussa de le marier à une de ses filles. Or, en général, qui demande à l'autre, c'est le prétendant qui demande au tuteur, mais il n'y a aucun mal à ce que le tuteur propose sa fille ou une femme qu'il a sous sa tutelle en mariage à un homme qu'il considère vertueux et qu'il considère comment dire, méritant le mariage ou pouvant bénéficier du mariage avec sa fille ou la fille qu'il a sous sa tutelle. ومنها قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها فكل عمل من الولايات أو الخدمات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال وأن يكون مؤتمنا عليه تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته والخلل والنقص بسببه الإخلال بهما أو بأحدهما. Également, retiens de cette histoire, en la parole d'Allah عز وجل, إن خير من استأجرت القوي الأمين. Le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Qui a dit cette parole? L'une des filles à son père, en parlant de Moussa alayhi salam. L'on retient de ce verset que ces deux caractéristiques, la qualité, c'est-à-dire le fait d'être fort et d'être digne de confiance, sont des qualités qui complètent tous les actes, tous les types d'emplois, que ce soit du travail dans la gouvernance, ou que ce soit un travail dans les services, ou que ce soit un travail dans les industries, ou tout autre travail qui permet, par exemple, de contrôler des travailleurs, des employés. Lorsque la personne réunit ces deux qualités, à savoir d'être fort, d'avoir la force d'accomplir ce travail en fonction des différentes situations et d'être digne de confiance, eh bien, celui qui a ces deux qualités, son travail sera accompli et le but sera atteint. Et s'il y a un manquement, eh bien, le manquement s'expliquera par le manquement dans l'une de ces deux qualités. Soit la personne n'est pas apte, n'a pas la force de faire ce travail, ou soit cette personne n'est pas digne de confiance, ou la personne peut être dénuée de ces deux qualités à la fois. وَمِنْهَا من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Parmi les morales à retenir, et on terminera par celle-ci inshallah, est que parmi les plus grandes vertus, le fait de bien se comporter avec les personnes avec qui l'on entretient une relation, que ce soit un travailleur, un employé, que ce soit une épouse, un enfant ou un partenaire, un associé ou autre. Eh bien, de bien se comporter avec ces personnes. Et parmi ces bons comportements, le fait d'alléger la charge de travail vis-à-vis du travailleur. Car Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant de cet homme, cet habitant de Madian, lorsqu'il s'est adressé à Moussa, « Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.